L'oiseleur. L'oiseleur amour se promène. Lorsque les coteaux sont fleuris, fouillant les buissons et la plaine. Et chaque soir, sa cage est pleine des petits oiseaux qu'il a pris. Aussitôt que la nuit s'efface, il vient, tend avec soin son fil, jette la glu de place en place, puis sème pour cacher la trace quelques brins d'avoine ou de mil. Il s'embusque au coin d'une haie, se couche aux berges des ruisseaux, glisse en rampant sous la futaie, de crainte que son pied n'effraie les rapides petits oiseaux. Sous le muguet et la pervenche, l'enfant rusé cache ses raies, ou bien sous l'aubépine blanche, où tombe comme une avalanche, lino, pinson, chardonneret. Parfois d'une souple baguette, d'osier vert ou de romarin, il fait un piège, et puis il guette les petits oiseaux en goguette, qui viennent becqueter son grain. Étourdi, joyeux et rapide, bientôt approche un oiselet. Il regarde d'un air candide, s'enhardit, goûte au grain perfide et se prend la patte au filet. Et l'oiseleur amour l'emmène, loin des coteaux frais et fleuris, loin des buissons et de la plaine. Et chaque soir, sa cage est pleine des petits oiseaux qu'il a pris.